L'espagnol avec Michel Thomas, méthode de perfectionnement. CD numéro 3. Prenons le verbe qui va de pair avec hacer, qui est défir. Défir, hein? Tout à fait, défir. Alors, de la même manière qu'on avait hago au présent et hice au passé, on a digo au présent et dije au passé. D-I-J-E. Dire. Donc, là encore, de la même manière que le A de hacer devenait I dans hice, le E de decir devient I dans dire. Hein? On retrouve le même I dans hice et dire. Alors, j'ai dit au passé, hein? Au passé sans plongeoir. Dire. Encore une fois. Dire. Dire. Hein? Dire. Dire. Le J se prononce R en espagnol. Hein? C'est comme quand on se racle la gorge. R. Hein? Dire. Dire. Dire. Encore une fois. Dire. Oui, mais avec une seule syllabe accentuée. Dire. Dire. Oui. Hein? Donc, je vous ai dit, à usted. Le dije. Le dije. Et il m'a dit, toujours sans plongeoir. Me dijo. Me dijo. Hein? Me dijo. Et il m'a dit qu'il ne l'a pas fait, sans plongeoir. Me dijo que. Me dijo que, oui, il ne l'a pas fait, sans plongeoir. Lo. Alors, voyons, comment dit-on faire ? Hacer. Oui, hein? Donc, j'ai fait, sans plongeoir, c'est ? Hice. Hice. Hein? Alors, il ne l'a pas fait, sans plongeoir ? No hice, no lo hice. Vous venez de dire, je ne l'ai pas fait. No lo hizo. No lo hizo. Hein? No lo hizo. Alors, comment dit-on ? Je vous ai dit, a usted, sans plongeoir. Le dije. Encore une fois. Le dije. Le dije. Et il m'a dit, sans plongeoir. Me dijo. Me dijo. Et il m'a dit qu'il ne l'a pas fait, sans plongeoir. Me dijo que no lo hizo. C'est ça. Me dijo que no lo hizo. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit? Vous posez la question à usted, hein, sans plongeoir. Por qué no me dijo? Non. Por qué no me dijo? Voilà. Hein, por qué no me dijo? Hein? Et comment direz-vous pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Por qué no me lo dijo? C'est ça, hein? Por qué no me lo dijo? Donc, quand on a deux pronoms, le pronom qui désigne le destinataire vient en premier. Ici, c'est d'ailleurs comme en français. Hein? Me le, me lo. Por qué no me lo dijo? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Et pourquoi est-ce que vous ne le lui avez pas dit? Hein? Toujours au passé sans plongeoir. Por qué. No se lo dijo. Oui, encore une fois. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo? Hein? Très bien. Hein? Ou, ¿por qué no se lo dijo a él? Hein? Ou a ella. Hein? ¿Por qué no se lo dijo a él? ¿Por qué no se lo dijo a ella? Hein? Donc, vous voyez qu'on retrouve le même schéma. Et, on a et o. Donc, et o qui ne sont pas accentué. Alors, encore une fois, j'ai fait, au passé sans plongeoir, se dit hice. Hice. Redis-le encore une fois. Hice. Hice. D'accord. Hein? Et j'ai dit, toujours sans plongeoir, dije. Dije. Et il m'a dit, sans plongeoir, me dijo. Me dijo. Hein? Et maintenant, comment dit-on vouloir? Querer. Querer. Hein? Et pour dire j'ai voulu, à la forme simple du passé, donc sans plongeoir, on dit quise. Q-U-I-S-E. Donc, ici, querer rejoint les deux verbes gogo qui vont toujours ensemble. Hein? Hacer y decir. Et donc, lui aussi prend un i au passé. Quise. Hein? Quise. Donc, je l'ai voulu, sans plongeoir, se dira. Lo quise. Lo quise. Et il l'a voulu, sans plongeoir. Lo quiso. D'accord. Hein? Lo quiso. Alors, encore une fois, qu'avons-nous jusqu'à présent? J'ai fait, sans plongeoir. Hice. Hice. J'ai dit, sans plongeoir. Dije. Dije. Et j'ai voulu, sans plongeoir. Quise. Quise.